Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La reine dit, je veux aller voir à Nieuport pour voir s'il n'y a pas de trop de blessés et si je ne puis rien faire ou si on a besoin de rien. Cette semaine, un pouvoir au service des autres. La reine Elisabeth de Belgique se rend sur la Riviera vaudoise avec son mari, le roi Albert Ier. De la Bavière à la Belgique. Elle n'avait pas peur, la reine, d'aller au front. Reine et musicienne. J'ai rencontré ce matin maman dans le corridor menant à la bibliothèque. Que j'étais heureux. Je l'ai embrassée autant que j'ai pu. J'étais allé chercher la reine et à peine en auto, elle me dit, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit. Je voudrais bien aller voir. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Séverine Cornamusa, je suis réalisatrice depuis une vingtaine d'années, principalement en fiction. Là, j'ai réalisé mon premier documentaire. Quels sont habituellement les domaines de fiction dans lesquels vous exercez votre écriture, votre talent, votre génie? C'est plutôt la comédie, les drames, les autobiographies, les comédies musicales, les films d'épouvante, les vampires? Non, là, pour l'instant, j'ai réalisé un drame qui a touché les Suisses, je crois, profondément, qui s'appelle Cœur animal. J'ai réalisé un deuxième film qui s'appelle Cyanure, c'est un long métrage aussi, qui est une tragicomédie. Et là, j'ai une comédie qui est prête à être tournée, et puis peut-être encore un conte fantastique. Donc je passe d'un genre à l'autre, avec plaisir et bonheur. Vous connaissez le mot de Cioran quand vous dites cyanure? Je crois en l'avenir de l'humanité, je crois en l'extension du cyanure. Je crois que c'était quelque chose comme ça qu'il avait posé dans les syllogismes de l'amertume. Okay, non, je ne connais pas. Cet éclectisme, il vous vient du fait que vous-même, en tant que spectatrice, vous aimez des genres extrêmement différents et flirtez avec ces genres? Bah oui, j'aime des genres différents et bon, c'est un peu un hasard, hein, un hasard de mon parcours qui fait que je m'intéresse à un genre, à un autre, mais je crois que je me voyais peut-être pas faire de la comédie. Et puis plus j'avance, plus je glisse de l'humour même dans les drames les plus sombres. Donc je crois c'est recommandé. Voilà. Donc je crois que je suis un peu emmenée vers un terrain plus drôle. Je pense que ça représente aussi son rapport à la vie, en fait, le genre de film qu'on va traiter comme réalisateur. Et quand vous dites des hasards de la vie, on peut en savoir un petit peu sans tout effleurer? Non, je dirais pas, enfin, c'est pas des hasards de ma vie, c'est plutôt le fait que j'ai porté mon premier long métrage pendant 7 ans quand même. Vous en parlez comme un bébé, hein? Ouais, je l'ai porté pendant 7 ans. Donc, du moment où j'ai choisi d'adapter le livre Rapport aux bêtes jusqu'à sa sortie, c'est passé 7 ans. Et c'était le premier long métrage. Et puis, c'est quand même l'histoire d'un homme extrêmement violent, misogyne, qui traite mieux les bêtes que sa femme. Et c'était extrêmement lourd à porter, parce que c'est une histoire sombre. Sophie, viens là. Et donc après, j'avais besoin de légèreté. En fait, c'est ça que je dis les hasards de la vie. C'est-à-dire que à peine j'avais terminé ce film, que j'avais besoin de légèreté, j'avais besoin de rire, j'avais besoin de retrouver aussi une sorte de plaisir pur de la fiction et du cinéma. Vous ne pouviez pas traiter le premier sujet ou ça ne vous venait pas encore de le traiter éventuellement comme une comédie extrêmement cruelle? Non, il y a deux touches d'humour dans Cœur animal, mais ce n'est pas possible de le transformer en comédie, celui-là. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que vous avez dû, j'imagine, réfléchir sur ces choses-là? Qu'est-ce qui fait que parfois ce n'est pas possible? C'est une question de ton. Pas de choix? Parfois, ça peut être un choix. C'est-à-dire que selon les sujets, on peut basculer d'un drame social à une comédie. Mais celui-ci, c'était une adaptation d'un livre. Dans ce livre-là, il n'y avait pas la comédie quand même. Donc il y a une sorte quand même de fidélité de la part des scénaristes, enfin, donc de moi, et du réalisateur par rapport au livre. Sinon, on ne choisit pas un livre extrêmement sombre pour en tirer une comédie. Alors pourquoi un thème pareil pour débuter? Pourquoi aller chercher ou aller ausculter la souffrance, le drame, la violence, l'horreur? Bon, pour ce premier long métrage, c'était un choix profondément motivé, sinon j'aurais pas tenu aussi longtemps sur ce projet. Mmh. C'était un peu le miroir d'une histoire de famille que j'avais envie de traiter, qui se passait dans les années 60. Et s'il n'y avait pas eu une connexion vraiment profonde personnelle, et personnelle à ce sujet, Je l'aurais abandonné, je dois dire. Mais c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte profondément pourquoi on fait un film une fois qu'il est terminé. Pour celui-là, c'est très clair, parce que je me suis rendu compte en fin de montage que je faisais en réalité le deuil d'une grand-mère que je n'avais pas connue, et que probablement c'est ça qui m'avait tenu tant d'années. Mais j'aurais été incapable de formuler avant, en fait. En Espagne, qu'est-ce que tu fous, là? C'est quoi ce travail? C'est quoi ça? Il n'est pas planté, ce piqué. Alors, donne-moi ça, je vais te montrer. Là, tiens-le-moi. Droit. Oh. Ah, je t'ai dit de me le tenir, couille molle. Si je me souviens autre fois, je te dejo aquí plantado comme un piqué. T'as compris? Non, j'ai pas compris. Tiens-moi le piqué. Ya lo tengo. Ah, voilà. Je t'avais dit de le tenir droit. Ah. Ah. Filmer permet en ce sens de découvrir, et pas seulement filmer évidemment, c'est non seulement travailler l'objet dans l'écriture, le filmer, et puis après le monter, l'orchestrer, et c'est tout ça qui tout d'un coup fait apparaître, fait remonter, fait surgir du mystère, fait surgir de l'inconnu. Je crois, et puis oui, c'est pas forcément de l'inconnu, mais c'est le processus est tellement long. De l'enterrer en tout cas. Voilà, ouais. Le processus est tellement long que c'est comme une longue psychanalyse, quoi. On a le temps de se questionner, de creuser le sujet, le pourquoi, et finalement et puis c'est moins cher. De trouver la réponse. Ouais. C'est moins cher pour moi, pas forcément pour le producteur. Non. Et combien de fictions pour finir ce chapitre-là? Moi, j'ai réalisé 5 courts-métrages de fiction, 2 longs-métrages, et là, j'en ai 2 dans les starting blocks. Donc, si l'on doit poser un peu de prime abord votre caractère, vous êtes donc d'un naturel éclectique, curieuse à différents styles, et d'évidence patiente et obstinée. Donc, pour être ça, trop loin mieux. Du... Il vaut mieux. Hein. Je crois qu'on ne peut pas être réalisateur de fiction sans être patient et obstiné, parce que sinon on s'épuise trop vite. Et j'en oublie un, convaincante, parce que vous avez quand même tourné. Donc, vous n'avez pas seulement eu des idées, vous les avez mises plus qu'en chantier. Mmh. Vous êtes convaincante, donc. Ben, j'espère. C'est difficile de parler de soi-même, donc... Non, mais on se connaît quand même. Ben, je pense que j'arrive à convaincre ou à faire en sorte que de réaliser les films que j'ai envie de réaliser. Extrait de 14-18, Des enfants belges en Suisse, un documentaire signé Séverine Cornamusa. Mai 1913, sous le pseudonyme de la comtesse de Réty, la reine Élisabeth de Belgique se rend sur la rivière Vaudoise avec son mari, le roi Albert Ier, pour suivre une cure dans la clinique la plus en vue du moment. C'est la femme du directeur, Marie Wittmer-Curta, qui va chercher le couple royal en gare de Lausanne. Un peu confuse, car elle ne les a jamais vus en photo. Née dans une famille d'agriculteurs, Marie Wittmer-Curta a dû apprendre les codes de la haute société pour recevoir la prestigieuse clientèle internationale de la clinique de son époux. La chaleur de l'accueil et la qualité des soins ont conquis la reine, qui choisit le docteur Wittmer comme médecin personnel et revient à la clinique de Valmont en mai 1914. Encore plein d'insouciance, le roi Albert s'adonne à l'alpinisme, sa grande passion. Mais fin juin, la situation politique se tend en Europe. Le roi précipite leur départ et remercie les Wittmer. La reine Élisabeth et Marie Wittmer-Curta ne se doutent pas encore qu'elles vont se retrouver dans une aventure humanitaire qui changera le destin de milliers d'enfants. Le documentaire dont nous allons parler aujourd'hui et demain, Séverine Cornamusa, il appartient à quel moment de votre histoire? Parce que si vous n'avez pas fait du documentaire jusque-là, c'est que les circonstances ne l'ont pas voulu ainsi. Et là, c'est quelque chose que vous avez voulu, c'est quelque chose qu'on vous a proposé. Quelle est la genèse? Bah, ça m'est un peu arrivé par hasard. C'était un moment où j'avais terminé mes 2 longs-métrages et j'avais besoin de souffler un peu. Et puis, on m'a proposé ce sujet. Il y a eu un colloque historique qui s'est mis en place à Lausanne pour ressusciter cette femme, Marie Wittmer-Curta. Je comprenais pas très bien si moi je pouvais faire un documentaire, mais comme c'est un documentaire historique, donc il y a besoin de beaucoup d'écriture et qu'on n'est pas en prise avec le réel, je me suis dit, ben, je vais le traiter comme une fiction. C'est-à-dire, je ne vais pas réinventer les personnages, je vais m'appuyer sur l'histoire, mais je vais l'écrire comme un livre qui s'ouvre et raconter une histoire classique. Hein, il était une fois, ta-da-da, ta-da-da. Et ça, c'est des outils de la fiction que j'ai mis au service de ce documentaire historique. Alors, ceux qui vous écoutent, nous écoutent, n'ont pas encore vu votre documentaire. On va donc commencer par le résumé, le pitch. Vous avez cité un nom propre. Il y en aura d'autres dans votre documentaire. Mais on va peut-être commencer par le plus élémentaire, à savoir le titre. Oui. Comment s'appelle-t-il, non, ce le documentaire film, le documentaire s'appelle 14-18 des enfants belges en Suisse. Ça, déjà, ça dit beaucoup de choses. Voilà. Déjà, on sait à peu près quelques personnages et l'endroit. Ouais, et la date, 14-18, voilà, important. On est obligé de le situer comme ça dans le temps. Donc, ça raconte en fait l'accueil en Suisse d'enfants belges qui viennent principalement de la zone libre belge qui était toute petite et très dangereuse, qui ont été placés en Suisse le temps de la guerre pour les protéger en fait des bombardements. En réalité, c'était pas des orphelins. C'était souvent des enfants qui avaient une famille, des frères et sœurs, parfois des familles nombreuses, et qu'on évacuait pour qu'ils ne se prennent pas les gaz, les obus, enfin tout ce qui tombait, tout ce qui était en fait le fait de la guerre sur cette zone libre qui est en réalité 10 kilomètres de large, à côté de la ligne de front, donc la zone la plus dangereuse. En fait, bande très étroite. Ouais. Une bande très étroite qui était soumise quotidiennement au bombardement. Et c'est une période où il y a juste le CICR, il n'y a pas encore d'ONG, d'humanitaire qui est en place. Donc c'est les femmes dans cette zone libre qui improvisent l'humanitaire. C'est des femmes de bonne société, de différents pays qui viennent pour aider. Et en réalité, ça va être trois femmes qui vont être en charge de l'évacuation de ces enfants et de l'accueil de ces enfants entre la Belgique et la Suisse. Vous-même, Séverine Cornamusa, c'est au moment de ce colloque qui s'est tenu à Lausanne que vous découvrez cette histoire, ou vous en aviez déjà entendu parler avant? Ah non, j'en avais jamais entendu parler avant. Je découvre là l'existence de Marie Widmer-Curta, qui est donc la femme du docteur Widmer, celui qui a créé la clinique de Valmont. Alors présentez-la nous, cette dame, voilà, importante. C'est une dame qui vient du Gros de Vaud, d'un milieu même d'agriculteur, et qui a marié un docteur précurseur dans différents soins, et qui a, je pense, un sens du business assez bon, puisqu'il va créer 2-3 cliniques les unes après les autres, dont la fameuse clinique de Valmont, qui va devenir célèbre, parce que c'est là où est mort Rilke, où il y a eu beaucoup de stars, de la politique, des arts qui sont venus. Et donc il crée cette clinique en 1905, et elle, sa femme, simplement s'occupe de l'accueil de cette clientèle internationale et connue. D'ailleurs, elle change légèrement son prénom parce qu'elle s'appelle Marie. C'est une fille du Gros de Vaud. Et son nom s'écrit Mary, comme un nom anglophone. Avec un Y. Je crois que c'est juste une coquetterie, en fait, pour mieux accueillir cette clientèle. Je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé l'origine de ce Y à son prénom. Et voilà, c'est une dame patronesse du 19e, c'est ce genre de personne-là. Et... Attendez, parce que ça, il y a des oreilles jeunes qui nous écoutent. Quand vous faites cette référence-là, il n'est pas dit que l'évidence vienne à l'esprit. C'est une femme protestante aussi, c'est important, à une époque où les femmes ne sont pas émancipées. Elles commencent à prendre la parole dans l'espace public, à pouvoir faire des choses en dehors du statut d'être la femme d'homme, mais c'est compliqué en réalité. Donc elle vient de cette tradition un peu caritative, c'est peut-être la seule place où elle en avait une. Ou aussi elle a un rôle important dans cette clinique, puisque c'est elle qui accueille ces gens si importants. Elle le fait avec beaucoup d'humilité, elle a un caractère, de ce que j'ai pu voir, vraiment... ouais, je dirais protestant, quoi. Assez humble, assez discret, voilà. Alors, Alors moi, je me serais dit, Séverine Cornamusa, si vous étiez venu me voir et que j'étais votre producteur, je vous aurais dit, mais avec ce passé de fiction et puis les stars qui sont passées dans cette clinique, j'aurais orienté mon sujet vers la clinique, dans la mesure où celle-ci peut disposer d'un grand nombre de documents photographiques ou autres. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Pas du tout. En fait, d'abord, à la clinique de Valmont, il n'y a plus d'archives, donc ça, c'est assez compliqué. Ah oui? Eh oui. On n'a jamais vu. Il y a eu des incendies, des reventes, etc. Donc, absolument impossible de trouver des archives de la clinique de Valmont. Mais c'est une bonne raison, de fait. Oui, voilà. Mais c'est dommage, hein, parce que c'est un lieu magique, effectivement. Enfin, un lieu magique, un lieu où il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Mais non, en fait, c'est vraiment, ça s'est orienté sur ce personnage de Marie Widmer-Curta. D'abord, le point de vue était exclusivement suisse, donc pour ce documentaire, de raconter l'histoire de cette femme qui avait mis en place en 3 semaines un système d'accueil à échelle nationale, ce qui est quand même complètement incroyable au tout début de la guerre. Elle n'a pas d'expérience de rien du tout, sauf l'organisation dans la clinique. Et à partir de là, elle est suffisamment organisée elle-même, si j'ose dire, et arrive à penser dans la perspective pour arriver à monter ça, cette architecture-là, et aussi rapidement. Oui, elle a un réseau de gens aussi, il faut dire, hein, puisque évidemment, comme c'est une clinique connue, donc elle a tout un réseau de gens importants dans la presse, dans la politique, etc. Donc elle a aussi accès à ces gens-là. Certes, mais les réseaux sont une partie du problème, enfin une partie de la solution. C'est sûr. Non, elle est extrêmement efficace. Il n'y a rien à dire. Et elle ne cherche pas la gloire en plus, ce qui est complètement incroyable. On pourrait dire, vous qui l'avez étudié, qu'à cette occasion-là, Marie Widmer-Curta se révèle en quelque sorte. Ah, je pense que c'est l'occasion pour elle de s'émanciper en quelque sorte. Oui, c'est peut-être... De se sublimer. Mais elle n'en cherche aucune gloire, vraiment, c'est ça qui est complètement incroyable. Elle le fait vraiment avec une générosité, un don d'elle-même absolu. Il y a quelque chose d'assez pur. J'ai essayé de gratter là-dessous pour trouver quelque chose de moins joli, mais je n'ai jamais trouvé. C'est un geste. Oui. C'est ça qui était assez beau. Donc en fait, l'histoire est partie vraiment d'elle. Et d'elle, j'ai appris l'existence de la reine Elisabeth de Belgique et de l'Écossaise qui s'appelle Miss Fife. Et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un sujet autour de 3 femmes et pas d'une femme. Et ça, ça m'a intéressée, eh ben, comme femme aussi, de parler de... J'allais dire, ah bon. Non, mais c'était... voilà, je me suis rendu compte à partir de ce colloque donc qu'il existait ces 3 femmes. Et puis aussi qu'il y avait un survivant. À partir de là, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire ce film. Après, ça n'a pas été aussi évident. Lorsque les Allemands incendient volontairement la bibliothèque de Louvain... La presse relaie immédiatement cet acte barbare. Les Anglais rentrent en guerre aux côtés des Alliés pour défendre la pauvre petite Belgique. Ils deviennent les maîtres de la propagande qui se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. Très rapidement, au fond, les journaux romans vont diffuser des nouvelles extraordinaires sur le front belge, sur le front français aussi. On a des nouvelles qui aujourd'hui laissent pantois, du style les mitrailleuses allemandes sont si faibles qu'elles n'arrivent pas à tuer les soldats français. Donc tout plein de bobards de guerre qui se mettent en place. Et dans ces bobards de guerre, dans ces exagérations, interviennent notamment toute la problématique des atrocités allemandes sur les civils belges. Les civils suisses sont indignés. Le 1er octobre, la presse romande publie des courriers de lecteurs qui exhortent les Suisses à venir en aide aux Belges. Chez elle, à Lausanne, Marie Widmer-Curta lit avec émotion ses appels à créer une œuvre de secours. Elle demande à son mari si, compte tenu de leur lien avec le couple royal, ce n'est pas à elle de la mettre sur pied. Docteur Widmer lui répond « Je n'aime pas beaucoup que tu te mettes en avant, mais dans ce cas particulier, c'est différent. » Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Séverine Cornamusa. Nous avons les 3 jours précédents donné à la connaissance des auditeurs d'Histoire Vivante des éléments relatifs à Elisabeth de Belgique. Nous poursuivons l'évocation d'Elisabeth de Belgique, mais cette fois, elle n'est plus toute seule. On a parlé avec Séverine Cornamusa de Marie Widmer-Curta. Vous avez mentionné un nom anglais. Elizabeth Five. On aura l'occasion de développer un peu plus longuement son portrait, mais on a non pas le bon, la brute et le truand, ou la bonne, la brute et la truande, mais au contraire, trois personnages qui, d'une certaine manière, ont une action relativement commune, mais des tempéraments, des modes d'organisation, enfin des modes opératoires extrêmement, puis évidemment des titres, quand on pense à Elisabeth de Belgique, fort différents les unes des autres. Oui. Miss Five, c'est Georgiana. Là, vous avez fait une contraction entre la reine Elisabeth. Georgiana. Georgiana Five. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une infirmière pendant mes recherches. Parce que tout le monde disait, enfin tout le monde, le peu d'informations qu'on avait nous disait que c'était une infirmière. En réalité, pendant la Première Guerre, il y a beaucoup d'infirmières qui ne le sont pas. Qui s'improvisent, elles? Qui s'improvisent, infirmières. Alors, on l'appelait infirmière parce que, voilà, elle s'occupait un peu d'évacuer les personnes sur la ligne de front, les mettre à l'arrière, les soigner, les faire soigner. Mais elle n'était pas elle-même infirmière. Et c'est une femme que j'ai découvert petit à petit, parce que ce n'est pas simple de reconstituer son histoire pendant la guerre, puisqu'elle n'a pas laissé de journal. Donc, je me suis retrouvée... Ce qui est rare, tout de même, parce que les journaux sont assez courants à l'époque. Oui, en tout cas, elle n'en a pas laissé. Alors, est-ce qu'il a été perdu? Je ne sais pas, mais je n'en ai jamais trouvé. Donc, j'avais des documents épars entre la Suisse, la Belgique et l'Angleterre, principalement. C'était extrêmement compliqué de comprendre ce qu'elle faisait... à quel moment de la guerre, enfin voilà, on avait des informations complètement atomisées en vrac. Et petit à petit, on a tiré les fils de tout ça, on a mis ensemble toutes les informations, les sources, pour comprendre que cette femme venait d'un milieu aristocratique, anglais, écossais même, et qu'elle avait de l'argent, et qu'au début de la guerre, simplement, quelqu'un lui a dit, un de ses amis lui a dit, mais va là-bas, va aider, puisque toi, tu as la force de le faire. On pourrait donc dire que ces trois femmes ont en commun quelque chose qui pourrait se résumer comme la bonne société où l'élite va au chevet d'eux. Bah oui, parce que bon, il y avait une propagande aussi qui fait que les aristocrates américaines, françaises, anglaises allaient en Belgique pour aider à cause de cette propagande pour Little Belgium et des massacres sur les civils que les Allemands perpétraient. Mais ça peut nous étonner. Aujourd'hui, dans un monde plus contemporain, si on se tourne vers l'élite, on n'est pas certain que celle-ci se transforme assez naturellement en brancardière. Ben, je pense qu'elle pouvait passer, en fait, un effort de guerre, un vrai effort de guerre. Elle passait du monde de la charité. Elle donnait de l'argent dans les églises avant pour des bonnes actions. Et puis là, elle pouvait continuer à le faire, donner de l'argent, ce que beaucoup ont fait. Mais certaines se sont rendues sur place, avaient plus de courage probablement, et pouvaient comme ça participer à l'effort de guerre. Parce qu'en fait, il y avait de la place que pour les hommes sur le terrain, au combat, quoi. On n'acceptait pas les femmes soldats, donc c'était leur moyen de participer à cet effort de guerre. Donc vous avez trois personnages. Comment choisissez-vous de les traiter? Alors, je choisis en fonction des archives, je dois dire, parce que mon point de vue était très suisse au départ. Je pensais raconter Marie-Vie de Mercurta et partir d'un axe suisse. En réalité, j'ai dû changer mon fusil d'épaule à cause des images. Parce que Marie-Vie de Mercurta a laissé 20 mètres linéaires d'archives dans le canton de Vaud. Vous parlez comme une historienne, là. Oui, j'ai dû faire le travail. Et donc, il y a 20 mètres linéaires de boîtes de papier et quelques photos. La reine Elisabeth de Belgique a été photographiée, filmée, évidemment c'était la reine, et elle-même a photographié. Et Miss Five, comme elle était sur le terrain et que c'est la première guerre de propagande par l'image, tout ce qui concerne la guerre a été filmé, photographié, puis c'était utilisé comme propagande. Donc il y a des masses d'archives photographiques et filmiques du côté des pays belligérants, et il n'y a à peu près rien en Suisse. Donc, je me suis rendu compte que c'était un joli sujet, mais qu'il va falloir que je change mon axe et que je parle autant de la Belgique que de la Suisse. Sinon, je ne tiendrai simplement pas un film avec si peu d'images. Deuxième étape, puisque vous faites ce premier constat-là, vous avez après des choix possibles. Comment vous en arrivez à Elisabeth de Belgique? Elle est mentionnée dans le colloque et puis oui. Oui, parce que effectivement, Elisabeth de Belgique vient se faire soigner à la clinique de Valmont. Donc il y a un lien entre le docteur Widmer, sa femme qui fait l'accueil, et le couple royal, c'est elle qui est un peu souffrante. Ils sont là encore 2 mois avant la guerre. Et donc quand la guerre éclate, il y a en Suisse vraiment un sentiment d'empathie avec la Belgique, surtout en Suisse romande, parce qu'on sait bien qu'on a évité la guerre de justesse. Et on plaint les Belges et on ne supporte pas en fait le silence des autorités suisses. Ouais. Et donc il y a une espèce de mobilisation dans la presse, ça, les gens veulent absolument faire quelque chose pour les Belges. Et il y a des appels vraiment, et Marie Wiedemer-Curta lit ces appels et questionne son mari et dit « Nous qui connaissons la reine, peut-être c'est à nous de faire quelque chose, c'est à moi de faire quelque chose ». Donc il la laisse faire quelque chose, parce qu'on est dans une société où on demande encore son accord à son mari. L'autorisation de... Donc c'est elle qui va du coup répondre à ses appels et très rapidement solliciter de l'aide des gens, des volontaires, etc., via la presse. Et ça va aller très vite, parce qu'en fait il y a une grande mobilisation en Suisse romande. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se réaliser ? Concrètement, elle trouve des places d'accueil pour ces réfugiés. Au départ, ce n'est pas forcément des enfants, c'est des réfugiés. Des places d'accueil, de l'argent, voilà. Donc, tout est prêt en 3 semaines. Alors, entre le moment où les places sont trouvées et puis, de l'autre côté, des personnes, des réfugiés déjà identifiés, se pose le stade intermédiaire qui est le transport en temps de guerre. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Enfin, quand on arrive vers la frontière suisse, ça se calme, mais encore faut-il y arriver. C'est ça, c'est pour ça qu'il s'agit quasi exclusivement de réfugiés, là je parle au sens large, hein, après ce sera que des enfants, qui transitent par la France, déjà, pas par l'Allemagne. Donc ils viennent de la zone libre, donc ils ont fui la guerre. Ce sont des gens qui ont fui la guerre, soit ils sont encore dans la zone libre, soit ils ont fui la guerre vers Paris. Et certains vont accepter d'aller jusqu'en Suisse, mais c'est loin pour eux la Suisse, c'est pas si simple. Stéphane Cornamusa, vous nous avez évoqué un travail à partir des archives. On aura peut-être l'occasion demain d'en parler un peu plus longtemps. 20 kilomètres d'archives, mais 20 mètres d'archives. Vous avez relevé vos manches. Non. Et vous êtes. Comment vous avez fait? Je n'ai pas commencé par les archives cantonales vaudoises, c'est là où il y a 20 mètres linéaires. Moi, j'ai commencé à la bibliothèque cantonale universitaire à Lausanne, où il y a un petit dossier sur Marie Wiedemer-Curta, le comité, voilà. Et je suis allée en Belgique après. Donc, j'ai lu assez rapidement les archives du côté belge, qui sont moins fournies au niveau des documents, donc principalement au Palais Royal, où par ailleurs, il y a une documentation iconographique exceptionnelle. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais faire le film. Et donc j'y suis revenue aux archives cantonales vaudoises, mais comme j'avais suivi le colloque, j'ai pas lu les 20 mètres linéaires, parce que là il faut des mois pour ça. Hein. Mais pour comprendre le fonctionnement du comité, j'avais déjà beaucoup d'informations. Après le colloque, ce qui me manquait, c'était le point de vue belge, ce qui s'est passé au niveau de l'organisation en Belgique, du côté de la reine, du côté de Miss Five. Ça m'a pris du temps à reconstituer. On va en parler demain. On se retrouve au micro d'Histoire Vivante pour évoquer la suite de votre travail, Séverine Cornamusa. Rappelez-nous le titre du documentaire que nous verrons dimanche soir sur RTS2. 14-18, des enfants belges en Suisse. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.